Ne me regarde pas, de Burel, enregistré pour LibriVox.org. Ne me regarde plus quand je passe en silence. Tu sais bien qu'un regard peut troubler à jamais. Ne me regarde plus, j'oublierai ta présence. Et combien je t'aimais, et combien je t'aimais. J'oublierai mon amour, ma trompeuse croyance, le rêve de mon cœur, son espoir méconnu, que je voulais t'aimer, t'adorer en silence. Tu ne l'as pas voulu, tu ne l'as pas voulu. J'oublierai, car il faut que j'oublie. Mais lorsque le hasard me jette sur tes pas, détourne ton regard, mon âme t'en supplie. Ne me regarde pas, ne me regarde pas. Fin du poème. Enregistré par Ezoie en Belgique en mars 2015. Cet enregistrement fait partie du domaine public.